Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, le Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation de Corée du Sud a organisé le 6 juillet au parc Tapgol à Séoul le 1129e meeting de jeudi pour demander catégoriquement aux autorités de relâcher tous les détenus consciencieux.